J'suis pas trop sûr de mon coup, j'suis pas trop sûr du tout. Mais bon, faut bien un début. J'suis pas trop sûr de mon coup, j'suis pas trop sûr du tout. Mais bon, faut bien un début. Et marcher sur la lune, ils ont gravi des montagnes et moi. Ils ont construit des gratte-ciels et des immenses tunnels. Ils ont bâti des empires et moi. J'suis pas trop sûr de mon coup, j'suis pas trop sûr du tout. Mais bon, faut bien un début. J'suis pas trop sûr de mon coup, j'suis pas trop sûr du tout. Mais bon, faut bien un début. Descendent le tapis rouge sous des lumières qui bougent et font leur cinéma et moi. Trop sûr du tout, mais bon, faut bien un début.